4.11, activation, oral comprehension, decision, indecision. You will hear a series of dialogues. Listen for the elements of decision or indecision, hesitation, and check the appropriate box. Un. Est-ce que vous allez apprendre le japonais? Peut-être. Faut voir. Deux. Les romans d'amour, vous aimez ça? Oh non, je déteste ça. Trois. Et les romans policiers, vous aimez les romans policiers? Oh oui, j'adore ça. Quatre. Est-ce qu'on va avoir un crime dans l'histoire? Je ne sais pas, ça dépend. Cinq. Vous aimez le cinéma? Bien sûr.